Musica. This version 4x4 is the best of the world. Okay. All right. Na kutani na bango na Centreville, bakoli ba bemisunenga. Lolenge ba telemi, on dirait comme s'ils étaient mannequins. Harmonie na tango ya basonti, loko la majelu, et la délia. Anil Tembo, mon témoin.